aujourd'hui, François Berléand, je crois. Je vais vérifier, mais je crois que c'est lui. À tout à l'heure, après le flash. Il est 11h sur France Inter. Et vous avez la chance d'être informé par Laetitia Gaillet. Pendant qu'on évacue un campement sauvage de migrants dans le nord de Paris, Anne Hidalgo, la maire de la capitale, présente elle ce matin son plan d'accueil pour les réfugiés à Paris, avec un centre dont l'ouverture est prévue pour la fin du mois. Il verra le jour dans un entrepôt de la SNCF du 18e arrondissement. Son installation coûtera plus de 5 millions à la ville et 1,3 million à l'État. Il sera modulable avec des îlots de conteneurs maritimes organisés en quartier. Emmaüs en sera l'opérateur. Le lieu doit pouvoir accueillir de 4 à 600 personnes. Il n'y aura pas de licenciement sec chez SFR d'ici 2019. La promesse du patron de l'opérateur ce matin sur France Inter, Michel Combes, qui a confirmé l'engagement pris début août, à savoir un plan de 5000 départs volontaires. La CGT et la CFE-CGC, qui n'ont pas signé l'accord conclu entre la direction et les deux principaux syndicats du groupe, appellent aujourd'hui à une journée de grève. Comment motiver ses salariés? Certes, la hausse des salaires a été plus forte que prévu cette année, plus 2,7% selon deux études publiées ce matin. Mais les prévisions d'augmentation de salaire seront limitées l'an prochain, 2% en moyenne, ce qui va obliger les entreprises à trouver d'autres moyens pour entretenir les motivations ou la motivation des salariés. Les spécialistes expliquent ce niveau historiquement bas par le contexte économique, mais aussi la faible inflation. Par ailleurs, les patrons préfèrent privilégier les hausses individuelles. En gros, concentrer les ressources sur les personnes qu'ils veulent garder. Au bas de l'échelle sociale, faute d'argent, les plus pauvres, eux, sacrifient leur santé. C'est le résultat cette fois de l'étude du Secours populaire publiée aujourd'hui. Parmi les Français les plus pauvres, ceux dont le revenu par ménage est inférieur à 1200 euros net, la moitié ne va plus, par exemple, chez le dentiste. C'est 22% de plus qu'en 2008. Disposer d'une mutuelle aussi est financièrement compliqué pour 53% des ménages modestes et 48% d'entre eux n'ont pas les moyens de s'alimenter sainement. À Londres, une manifestation antiraciste sur le tarmac de l'aéroport de London City provoque de nombreuses perturbations ce matin. De vols sont suspendus autant au départ qu'à l'arrivée. Des manifestants sont attachés les uns aux autres sur la piste. Le procès de Jérôme Cahuzac au tribunal correctionnel de Paris, deuxième jour d'audience aujourd'hui. La petite phrase lâchée par l'ancien ministre du budget hier a fait mouche, à savoir le premier compte qu'il a ouvert en Suisse a servi à financer des activités politiques et en l'occurrence celle de Michel Rocard. Interrogé sur ce sujet ce matin, Manuel Valls, qui était proche de Michel Rocard, affirme n'avoir été au courant de rien. « Je suis triste et peut-être dégoûté par les déclarations de Jérôme Cahuzac », a déclaré Manuel Valls. Enfin, on l'a appris hier, une école coranique clandestine a été fermée vendredi à Évry dans l'Essonne, fermée sur ordre de la mairie et de la préfecture. Au départ, l'école se présentait comme un centre d'accueil de loisirs et d'activités dites scolaires. Selon le maire socialiste d'Évry, l'école exerçait son activité dans le dos de la mosquée qui, elle, propose des activités d'éducation au Coran en toute légalité. Ça en dit long sur ce qui se passe dans notre pays, sur les phénomènes de radicalisation, a réagi ce matin Manuel Valls. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. Deux heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce mardi, François Ozon filme l'amitié franco-allemande, une amitié très particulière dans France. À ses côtés, Abdel Raouf Dafri signe la dernière saison de Braco, carrément énervé. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. France Inter. On aime. On vous en parle. Ça ira 1, fin de Louis, de Joël Pommerat, du 9 au 25 septembre, à Nanterre à Mandier. Joël Pommerat donne à voir le politique et le théâtre en train de se faire. Un théâtre profondément démocratique qui plonge le spectateur dans le bouillonnement idéologique révolutionnaire et réinterroge les nécessités de l'engagement politique. Transformant le plateau en agora, les 14 acteurs mettent la parole au centre de l'action théâtrale. Retrouvez Ça ira 1, fin de Louis, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Et c'est l'heure de Nagui et de la bande originale sur France Inter. Pas de licenciement sec, vous avez totalement raison et vous êtes passé. Je vous déteste. Moi, je vous écoute. J'ai bien compris. C'était pas Dominique Besnéard, c'était bel et bien Laetitia Gaillet qui vous a informé. J'ai trouvé la diction parfaite. Mais ça, c'est encore plus. C'est allez, pire. Bande de voyous, c'est la bande des voyous sur France Inter. Non, c'est la bande originale et Laetitia de revenir, ça sera à midi. À tout à l'heure. Bien. Yeah. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudaghi. Bonjour à tous. Tom Miller. Bonjour. Daniel Morin. Bonjour. Morin Zaoui, qui n'est pas là mais qui sera là. Bonjour. Richard Orban. Bonjour. Et notre invité, Monsieur François Berléand. Bravo. Comment ça va, François? Ça va et vous? Vous avez bien dormi? Non. C'est normal, je suis insomniaque. On est une semaine de la première, qu'est-ce que je vais bien dormir? C'est impossible. Non, mais ça va. Vous êtes François Berléand. Vous êtes... Justement, oui. Quoi? Justement. Oui. Vous devez être confiant et vous savez de quoi vous êtes capable? Non. Non, justement, je ne sais pas de quoi je suis capable. Si je le savais, oh là là, mon Dieu. En tout cas, il est au théâtre et s'il y a bien une personne autour de cette table qui sait pourquoi on vous a invité et qui a compris en tout cas pourquoi, c'est Tom Villa. Vous avez compris pourquoi? Bien sûr que j'ai compris, Nagui, pourquoi vous l'avez invité. Vous l'avez invité parce que vous n'avez pas eu le choix. Et oui, ça y est, le Berléand nouveau est arrivé. Comme chaque année, tel le Beaujolais, il revient avec une nouvelle cuvée. Alors, je rassure les auditeurs, hein, le Berléand nouveau a plus souvent le goût de banane que de carotte. Non, mais c'est positif. Ah bon? Bah oui, il donne la banane, voilà. Ah, oui. Et comme un bon vin, vous êtes bonifié avec le temps, François. Bon, comme un bon vin, il y a aussi un peu de dépôt au fond, mais enfin, bon, ça, c'est pas très grave. Ah bah, pas tous les jours, j'ai des couches culottes. Non, pour vous dire, François, il enchaîne tellement les pièces de théâtre que ça fait 20 ans qu'il a pas pu regarder le JT de 20h. Il croit encore que c'est Bruno Mazur qui le présente. Alors, juste pour vous mettre à la page en deux secondes, ils ont chopé Ben Laden, les homosexuels peuvent se marier, être raciste n'est plus honteux, Michael Jackson est mort et Giscard est toujours en vie. Voilà. Malheureusement, tout est vrai dans ce qu'il a dit. Malheureusement, tout est vrai. Giscard appréciera. Tous les soirs au théâtre, c'est impressionnant. C'est cette boulimie de travail. Reste à savoir si c'est pour l'amour des planches ou parce que vous ne pouvez plus voir votre femme. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est super de vous avoir avec nous, François, parce que vous faites partie de ce qu'on appelle dans le jargon un bon client. Non mais c'est vrai, toujours de bonne humeur, toujours marrant, puis toujours une petite phrase qui peut être reprise pour faire le buzz. Vous avez dit il y a peu de temps, s'il y avait un prélèvement à la source, les acteurs auraient des parcours beaucoup plus nobles. Voilà. C'est vrai. C'est-à-dire que s'il y avait eu un prélèvement à la source, vous n'auriez pas fait le transporteur 1, 2 et 3. Ah, j'aurais fait le 1. Ah. Non, mais j'ai regardé, aussi, d'ailleurs, le 3. J'ai regardé votre filmographie hier, à la recherche du temps perdu de Proust, un article de 20 minutes à côté. Hein. Près de 200 films à son actif. Bon, si on retire les rôles de flic, de proviseur ou de militaire, il en reste 4, mais c'est bien. Pêle-mêle, les choristes, la stratégie de la poussette, ne le dit à personne, 12 ans d'âge. Quel petit con, mais comment tu parles? Mais non, mais j'aime beaucoup François. Mais la raison, François, la raison. Les choristes, la stratégie de la poussette, ne le dit à personne, 12 ans d'âge, on dirait la liste des films préférés de Marc Dutroux. Alors qu'au théâtre, c'est tout de suite plus chic. On dirait les pièces préférées de Jackie et Michel, Deux hommes tout nus, Tailleur pour dames et Le dindon. C'est beaucoup plus sympa. En tout cas, François est là, il revient avec une nouvelle pièce qui porte son propre nom. Moi, et François B. Bon, quand on est à ce niveau de notoriété, la prochaine étape, c'est le César d'honneur et la MJC à son propre nom. Hein. Alors, vous jouez donc dans Moi et François B., une pièce écrite par Clément Gaillet. Rien à voir avec Julie Gaillet, sinon la pièce serait appelée Moi et François H. Moi et François B., c'est l'histoire d'un mec qui attend un taxi et qui se fait kidnapper. C'est con. Pas tout à fait. Mais c'est ballot quand même. Heureusement que t'as pas tout compris. Non, mais s'il avait pris un Uber, au moins il aurait eu une bouteille d'eau et des bonbons pour faire passer le temps. C'est con quand même. Tu te fais kidnapper par un taxi, c'est relou. Faut supporter les remarques racistes, les odeurs de kebab froid. Écoutez, RMC, c'est pénible quand même. Et puis vous vous réveillez dans une agence de voyage sans porte ni fenêtre. Ne faites pas une agence de voyage sans porte ni fenêtre, ça s'appelle une backroom. François, il y a un moment, faut appeler un chat. Du coup, la grande question à se poser, c'est si la pièce est un grand succès, tel Don Juan, Boeing Boeing, ou encore une pièce bien aimée des auditeurs d'Inter, Ma voisine ne suce pas que de la glace. Bref, si la pièce est un succès, et qu'il y a une autre distribution, qui va jouer François Berléand? Parce qu'à part Kad Merad en moins grand ou Gérard Jugnot en moins gros, ça va être compliqué quand même. Bon, bref, je sais pas si j'ai tout compris, mais si vous aimez François Berléand, qui joue François Berléand, mais pas vraiment, mais un peu quand même, Moi et François B est fait pour vous. Bonne journée. Merci, Tom Villa. La bande originale, Lady, sur France Inter. Il a compris un point de départ, mais il a pas tout compris, Tom Villa, parce que. Faut bien qu'il fasse son article. Il en vit. Eh oui, c'est ça. C'est ça le truc. Et il en vit tous les jours. Quasiment. Quasiment. C'est votre semaine de rentrée avec Thierry Ardisson ou pas? Oui, on enregistre jeudi. Oh là là, très bien. Et ça passera C8. Sur C8. Samedi soir sur une nouvelle chaîne. Donc François Berléand, vous êtes au théâtre Montparnasse. Ça, je pense qu'on va le savoir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions de télé ou de radio de cette rentrée qui n'a pas eu le privilège de vous recevoir. Une vraie promotion. Non mais il a raison en tout cas, vous êtes très demandé. Oui, je ne sais pas si vous êtes demandeur, vous, s'il n'y a pas un moment où ça devient rébarbatif, cette promo pour Non, ce n'est pas rébarbatif, mais c'est, disons que j'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour... C'est toujours le même problème, c'est qu'on est à une semaine d'une première, on a envie d'être au théâtre, de bosser, de faire autre chose que la promo. Mais en même temps, voilà, ça décontracte, on pense à autre chose et c'est plutôt sympathique. Quoi. Moi, j'aime bien ça. Journées sont faites de répétitions, de lectures, d'italiennes, de mise en scène et de promotion. Et de promotion, voilà. C'est ça, partager. D'italienne, voilà, Italienne, le principe de l'italienne étant de réciter un texte sans intention, voilà, mais simplement pour voir et si assez rapidement, pour si tout va bien. Voilà. Dans cette pièce, vous êtes. On fait des allemandes aussi. C'est quoi? Alors des allemandes, c'est justement, on prend son temps. Là, on va pas vite. On prend son temps et on fait les déplacements. C'est ça. Ouais, non, mais c'est des déplacements. Voilà. Ah d'accord. Je connaissais l'italienne, je connais pas l'allemande. Je sais pas. J'en connais d'autres, mais je connais pas l'allemande. Ça suffit. Alors comment le préciser? Leïla, il n'est pas kidnappé, non. Il se retrouve bloqué dans l'esprit. C'est ça, c'était un l'imaginaire kidnapping d'un auteur. Mental. Donc c'est encore un peu plus compliqué que ce que Tom a essayé d'expliquer. Et t'as signé pour rien. Mais en effet, tout part de la situation qui est la suivante, à savoir, vous prenez un taxi puisque vous devez vous rendre au théâtre, vous devez jouer, vous êtes d'ailleurs un peu en retard, le taxi... Oui. Tarde à arriver, vous êtes très agacé. Et notamment par le manteau que sa femme lui propose. Absolument, pas le bon manteau, pas la bonne couleur en tout cas. Et vous vous retrouvez, vous vous réveillez dans un endroit emmuré avec un homme. Et vous vous retrouvez dans une sorte d'agence de voyage avec une pub pour les Maldives, en gros, c'est ça. En fait, c'est l'auteur a fait un décor, il a improvisé un décor pour vous bloquer, mais vous êtes bloqué dans son esprit, vous êtes bloqué dans son imaginaire. Absolument. Et là, ça devient un dialogue totalement... surréaliste. Fou. Ouais, surréaliste. Ouais, je cherchais le mot. Ouais. C'est l'absurde, parce que vous aimez ça aussi, même dans la vie. Il faut dire ce qui est. Voilà. Faut dire ce qui est. C'est votre truc. Oui, c'est mon truc. Mais je tiens à dire, parce que quand on m'a proposé la pièce... Elle n'a pas été écrite pour vous? Non, bien sûr que non. Bon, non. Si. Bah, la pièce que j'ai lue, en cachette, je dois dire, ça s'appelait « Moi et Arditi ». Donc vous voyez, on est loin de « Moi et François Lé ». Voilà. Et donc j'avais lu, j'avais trouvé vraiment très très bonne. Et il se trouve que Arditi n'a pas voulu faire la pièce parce qu'il n'avait pas le temps de la faire. Et on m'a proposé, avec un paquet de bonbons, de bonbons au chocolat, un paquet de chocolat de 1 kilo. Un ballot de chocolat. Je précise qu'on peut m'avoir avec un ballot de chocolat. Voilà, c'est pas difficile. Hein. Et comment vous avez lu cette pièce en cachette? Dans le parce dos qu'il d'Arditi. Était... Non, c'est pas ça, c'est qu'elle traînait au théâtre Édouard VII. Et l'assistante de Bernard Murat m'a dit, tiens, regarde, cette pièce, elle est formidable. Et j'ai lu la pièce, voilà, et j'aimerais bien la jouer. Et puis, en fin de compte, quand je l'ai reçue, ça m'a fait rire, parce que je trouve ça sympathique, je trouve ça mignon de le dire, c'est honnête, quoi. En plus, vous avez lu la pièce où tout le long est écrit Arditi. Donc, tout à fait. Vous assumez ce petit sentiment de jalousie. Oui, mais en plus, moi, j'aurais adoré que la pièce s'appelle Moi Arditi. mais vraiment, franchement, c'était pour moi. On allait encore au-delà de l'absurde. Oui, absolument. Ouais. Ils n'ont pas voulu, mais surtout Arditi qui n'a pas voulu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que voilà. Après, moi, j'ai reçu la pièce Moi et Berléand, et ça s'appelle Moi et François B, parce que je trouvais ça un peu trop suffisant de mettre son nom. Ouais, déjà mon nom en gros Berléand, ça va. On va pas mettre deux fois Berléand. Arditi aurait pas refusé. Non, mais ça on sait pas. Vacheries comme ça. C'est drôle de faire des vacheries sur Berléand quand il est pas là. Ouais. Voilà. Sur Arditi. Non, mais de toute façon, on sait qu'on va les garder. On les repassera quand Pierre Arditi viendra. Voilà, absolument. On assume. Ouais, tout à fait, absolument. Il y a pas un invité quand on parle de vous où on ne charge pas. On dit pas des horreurs sur vous. On va y venir. Ça, on va y venir. J'espère bien. J'ai gardé trace. Ah oui. Et oui. Je pourrais écouter. Bah oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, vous êtes sur scène avec Sébastien Castro qui joue en l'occurrence l'auteur qui vous kidnappe, parce que ça va se compliquer ensuite. Ouais. Il y a Constance Dolé qui joue votre épouse, Inès Valarcher, j'allais dire qui joue la table. Elle joue la table basse, mais je ne sais pas si le guéridon, on sait pas ce que c'est, une statue. C'est une jeune. Et on est en 2016. C'est une jeune fille. Non, oui. Il y a un chandelier aussi ou pas? Oui, absolument. Il y a tout ce qu'on veut. Non, mais c'est une contorsionniste. Et à un moment donné, elle joue la table basse. Mais ce n'est pas un être humain. C'est une table. C'est une femme, mais c'est une... Elle ressemble à une femme, mais c'est une table. Vous vous rendez compte de l'horreur que vous êtes en train de dire? Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la pièce. Il est en train de la dénoncer, justement. Oui, justement, je suis là, je ne peux pas poser mon verre sur, c'est vrai, vous sur le une dites. Femme. C'est vrai, c'est une femme. Ouais, c'est une femme, etc. Et on me dit, non, pas du tout, c'est un accessoire. Ah bon, c'est un accessoire. Bon. Enfin bon. Mais comme je suis dans l'univers mental d'un taré, donc parce que ce garçon, Vincent, enfin, c'est joué par par Sébastien Castro, qui est absolument merveilleux, une drôlerie inouïe. Voilà, c'est, je suis dans son univers, donc je sais que cet homme est complètement fou, et donc je ne sais. Pour moi, c'est une hallucination. Et là où les choses se compliquent, c'est que Clément Gaillet intervient également dans le troisième acte, quand tout devient. Parce que l'auteur revient et joue réellement dans la pièce, quand cette fois-ci, le retour dans la réalité. Voilà, c'est une pièce à tirer. Non, justement, c'est pas un retour non plus à la réalité, parce que c'est ça qui est inouï. C'est-à-dire que c'est une pièce à tiroir où, à chaque fois, à peu près toutes les 40 pages, enfin toutes les non pas toutes les 40 pages, tous les quarts d'heure, il y a un coup de théâtre. Et donc c'est assez étonnant parce que le public s'identifie à moi puisqu'il se rend compte que je suis désemparé et puis bon, il comprend et normal, pas. Vous êtes normal contrairement aux autres. Puis il n'en comprend pas plus que moi. Mm. Et donc, au fur et à mesure, il va se rendre compte, il va prendre un tout petit temps d'avance sur moi. Par rapport à la mise en scène, c'est comme ça. Et puis à un moment donné, il va se retrouver au même rapport que moi. Et après, il va jubiler parce qu'il aura toujours un degré supplémentaire. Alors, il faut dire que c'est ça qui quand même extrêmement drôle et qu'il y a des pures répliques. Et moi, c'est pour ça que j'ai eu le sentiment qu'elle a été faite sur mesure, cette pièce, dans la mesure où elle vous colle extrêmement bien dans la manière dont vous êtes irascible et légitimement irascible d'ailleurs avec tout ce que vous êtes en train de vivre. J'ai retrouvé un tout petit peu, pas dans le, pas évidemment dans le texte ni dans l'histoire, mais dans le point de départ, dans la peau de Malkovich. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire dans l'idée de se dire, est-ce qu'on peut rentrer dans la tête de quelqu'un et manipuler la tête de quelqu'un. Voilà, c'est ça, absolument. Mais c'est pour ça que moi j'avais eu beaucoup de mal à aller voir ce film-là, parce que... Malkovich ? Oui, parce qu'il y avait le nom... J'ai dit, mais quoi, il a pété les plombs, le mec, c'est à la recherche de Malkovich, non mais... On s'est fait la réflexion pour vous. Bah voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est surtout François Nagui, B. Hein. C'est pour toi, François B. C'est pour ça que c'est François B. Moi, j'ai jamais aimé. Voilà. En plus... Mais c'est vrai qu'on est dans ce... Il a fait toutes les émissions, il a fait Berne avant, tout ça. On est entre Misery aussi. Ah oui, Misery, quand l'auteur est pris en otage par sa... fan. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors c'est inversé, mais on est dans ce même genre de situation. En tout cas, c'est drôle et c'est à partir de la semaine prochaine, François Berléand. Mais que faites-vous ici? Ça sera le 13 septembre, moi et François B. Et quand on vous a dit, chère Leïla, que François Berléand était notre invité, vos oreilles ont sifflé. Et oui, et immédiatement, je vous ai entendu ralouter. Ralouter, c'est un verbe de ma création qui veut dire, dans ma langue à moi, râler avec le sourire. C'est votre côté un peu cynique qui m'amuse. Et d'ailleurs, au cinéma, ce sont souvent des rôles de ce type-là qui vous sont confiés. Et pourtant, sortis de vos rôles, vous en prenez toujours plein la tronche. Les professionnels sont conscients. Il y a un moment donné où ils savent à qui ils ont affaire. Voilà. Parce que c'est un être abject et un comédien. Moi, c'est clair. Je continue tant qu'il n'a pas envoyé un texto pendant l'émission. Voilà. Moi aussi, tiens. Je crois que vous êtes notre running gag préféré, François Berléand. C'était avec Muriel Robin. Dans cette émission, à chaque fois qu'on vous cite, Nagui ne peut pas s'empêcher de dire une vacherie vous concernant. Mais je dis la vérité. Et l'inviter de réagir en allant dans son sens. C'est systématique. Oui, oui. Mais je comprends. Alors que moi, j'aime beaucoup Muriel Robin, par exemple. Moi, j'aime beaucoup. Et bah, c'est normal parce qu'elle est aimable. Sachez que c'est pas réciproque. Mais oui, je sais. Je sais, puisque ça a été ma femme dans une pièce dans Momo. Mais oui, dans Momo. Et qu'il y aura la tournée aussi. Absolument. Donc on va vraiment bien se casser les... Faut bien bosser. Hein. Quand je pense à vous, je pense aussi au générique d'une série télé des années 70. C'était quoi, ça? Dallas? Non. Ah non, c'était David. Il y avait David. C'est l'homme qui invisible. C'est l'homme invisible. Non, c'était l'un des deux agents très spéciaux. C'était le blond qui avait un masque. C'est l'homme invisible. On dit. C'est l'homme invisible. Oui, bah, c'est ça. Qui était joué par l'un des deux agents très spéciaux. Le même comédien, pardon. Et l'histoire. L'acrobate, Nagui. Non, il a raison, Si, si, il s'appelait David Mac quelque chose, je sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est l'homme invisible. McCallum. Ouais, c'est ça, McCallum. L'histoire est tirée d'un roman d'Herbert George Wells, à qui l'on doit L'île du docteur Moreau, La guerre des mondes. Et c'est lié à une anecdote de votre enfance, bien sûr, qui a donné lieu au titre de votre autobiographie, Le fils de l'homme invisible. Est-ce qu'on vous en parle souvent, François Berléand, de ce bouquin? Oui. On m'en parle moins maintenant parce que ça a 10 ans, mais on m'en a beaucoup parlé il y a. Oui. Enfin, on continue à m'en parler, mais à la radio, très bizarrement. Ouais. Le livre est absolument introuvable, donc c'est pas la peine. C'est un très bon livre, pourtant, qu'il faut lire. Ça s'est bien vendu? Très. Ça a été un gros succès. Mm-hmm. Ouais, très gros succès, parce qu'on a fait 150 000. Mais si je peux me permettre, François. Toutes éditions confondues. Tout est parti. Édition de La Loupe. Tout s'est beaucoup vendu en très gros, l'édition de La Loupe. Je finirai ma phrase. Oui, l'édition de La Loupe, c'était écrit en très gros. Tout ouais. est... C'est pour les gens qui... Pour les vieux. Ouais. Tout ouais. est ouais. parti. Pour les vieux, pour les gens qui voient mal. Tout est parti. Et en même temps, ça fait pas un livre très épais. Du coup, ça fait des gros livres. Ça fait des gros livres. Tout est parti. Je m'en fous, moi, j'aimerais bien avoir un exemplaire comme ça. J'affinirai ma phrase. Tout est parti d'une vanne que votre père a faite. Un jour, votre père fait cette vanne quand il vous dit « Tu es le fils de l'homme invisible ». Il vous fait cette vanne et c'est le point de départ d'une histoire vraie et qui est brillamment écrite dans ce roman. Quand vous vous rendez compte des années de psychanalyse et de ce que ça a donné, la vanne de votre papa, vous continuez de faire des vannes à vos enfants, vous continuez de... Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est dingue, vous vous rendez compte qu'une vanne peut faire... Oui, oui. Oui, bien sûr. Bah, j'espère bien qu'ils vont avoir le même parcours, qu'ils vont aller chez les psys. Non, mais ils s'en sortent bien. Non, non, ils s'en sortent bien parce que moi, par contre, je parlais avec... Enfin, je parle toujours avec mes enfants. Mon père ne me parlait pas. Donc, si vous voulez, quand j'avais une sentence aussi forte que celle-là, elle était marquante parce que mon père me disait bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon, mais c'est tout. Y avait pas je n'ai pas le droit de raconter ce qui se passe dans nos vies privées communes, François et moi, mais j'ai déjà assisté à des vannes que vous avez faites à vos enfants bébés, qui étaient extrêmement drôles, mais parce qu'elles étaient, la vanne, extrêmement méchante. Et je me souviens, on avait ri tous les deux, et nos femmes respectives, enfin surtout la mienne, disaient « Non, non, mais il ne faut pas qu'il fasse ça. Un enfant, ça comprend une vanne. » Moi, j'avais dit « Mais non !» Ça comprend ouais, pas. Parce que j'ai des jumelles. Ah, vous voulez faire la vanne maintenant? Non, d'accord. Non, mais parce que je sais pas laquelle c'est, mais c'est vrai que très souvent. Donc, alors, toi, de toute façon, vous avez des jumelles. Oui. Et vous? Je dis toujours à l'une, toi, t'es ma préférée. Voilà. C'est horrible. Mais vous alternez devant l'autre, évidemment. Ah oui. Non, c'était jumelles, c'est des vraies jumelles. Moi, c'était pas ça, là, la vanne, elle était... mais ça m'a fait hurler de rire. Elles sont jumelles, donc, il en présente une en donnant son prénom, en disant, voilà, elle, c'est la jolie, ouais. Et elle, une autre prénom, c'est... elle, c'est la moche. Mais ça m'a fait hurler de rire, parce qu'évidemment, elles sont jumelles, donc je trouve la vanne extrêmement drôle, mais en même temps, ça peut amener des années de psychanalyse. Hein. Oui, oui. Bah, elles sont mignonnes toutes les deux. Oui, elles sont mignonnes toutes les deux. Ou aussi moches l'une que l'autre, je sais pas. Non, elles sont belles. On vient de recevoir un texto de Jean-Luc Lahaye, il dit c'est nul. Non, elles sont belles. Alors, Ce que l'on sait moins de vous... Tu étais où avec Laetitia Gaillé hier soir? Ce que l'on sait moins de vous, François Berléand, c'est que le cinéma est présent dans votre famille depuis au moins deux générations. Oui, alors moi non plus, je savais pas ça. Oui. Votre grand-père, Moïse, était rédacteur en chef de la revue cinématographique Kino. Ouais. Et ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Il y a six mois. Oui. Dans l'émission Retour aux sources, oui, une émission de Marie Drucker qui est diffusée sur France 2. J'ai vu le passage, c'est très émouvant. Cette revue, c'est un bimestriel qui a été publié dès 1946 par l'Union des réalisateurs bulgares, édité en langue bulgare. En russe, excusez-moi. Et c'était en 1926, hein, pas en 1946, parce qu'en 1946, il était mort, mon grand-père. Alors, il y a eu une première édition, mais la revue a continué jusqu'en... Je ne savais pas ça. Elle a été poursuivie pendant, je crois, jusqu'en 56 ou 57. Aux éditions de La Loupe. Oui, c'est le gros caractère. Non, c'est celle où tu as loupé, justement, tu ne savais pas. Et est-ce que vous avez pu retrouver des exemplaires? Oui. Alors, j'ai des exemplaires signés justement par ce grand-père en question. Qui faisait des analyses de films, des critiques. Voilà, comme c'était en russe, je ne peux pas vous dire. Non, que c'était... Vous avez pas cherché à traduire. On m'a traduit pendant l'émission, quelqu'un m'a traduit. C'est chargé d'émotions, en tout cas. Mais très, très, très. C'était assez étonnant parce qu'il se trouve que quand mon père, qui ne parlait pas beaucoup, mais à un moment donné, m'a dit la deuxième phrase qu'il m'a dit dans toute sa vie, quand je lui ai dit que je voulais être comédien, il m'a dit « Tu reprends le flambeau ». Et j'avais une babouchka, donc c'est la grand-mère, ma babouchka que j'avais connue, qui était morte, j'avais 15 ans, et qui était comédienne, mais je ne le savais pas. Donc il m'a dit « Tu reprends le flambeau, ta grand-mère était comédienne, et ton grand-père était metteur en scène, puis producteur de Pierre Andello, etc. » Donc vous le saviez, pourquoi vous... Non, je ne savais pas. C'est mon père qui me dit ça à 20 ans. J'avais 20 ans. D'accord, donc c'est pas il y a 6 mois que vous avez appris que votre grand-père était... Non, parce que je lui ai demandé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ça, je sais pas. Et donc, en fin de compte, j'étais à la recherche de ce grand-père que j'ai jamais connu, forcément, parce qu'il est mort en 1944. Et j'ai appris au fur et à mesure. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est faux. Bon, en fin de compte, c'est véritablement vrai. D'accord. Sauf que... véritablement vrai, on dit ça. Oui, on peut le dire. Français, dit ça. En tout cas, c'est dans la famille. Oui, voilà. Donc les gènes étaient là. Truly true. Moi aussi, du coup. Moi et François B, la pièce est au Théâtre Montparnasse à partir du 13, avec François Berléand, Sébastien Castro, Constance Dolé, Inès Valarcher et Clément Gaillet qui en est l'auteur. France Inter, Nagui, la bande originale. On retrouvera Nora Mzaoui après ce titre de Mathieu Bogart. J'adore ce titre d'ailleurs, avec Big Blassi. I love you. Ce qui va rassurer tous ceux qui se disent « Je parle pas très bien anglais, moi. » Bah écoutez Mathieu Bogart. It's a long time, I don't know if you know. I am sitting, yes I am, looking for to know. If you do like me too, if you really feel the same. Do you like me to like you, comme moi je vous aime. I love you, do you love me, do I love you, do I love you. Do you know, I don't know, do you know how much I care, care of you, I do so, je ne sais pas si je suis clair, you know what, don't you see, don't you feel it in the air, it is me, les amis, and I'm ready to declare, I love you, do you love me, do I love you, do I love, I love you. I'm not sure, mon amour, je ne connais pas bien l'histoire. Je ne sais pas quand elle court, je ne sais pas si je peux la croire. I'm not sure, ça c'est sûr, que tu m'aimes et puis c'est tout. I'm not sure, mon amour, d'avoir toujours rendez-vous. Bingue qui m'aime, mais nous nous étirions, mais nous amènes. I love you. Bingue qui m'aime, mais nous n'aimons mon biporo sway. Venga aquí, mende, mende, un huetirío, vi los camé, and I love you. Venga aquí, mende, mende, un ángel, muevo en mi poro suey, I love you. Mathieu Bogart avec ce titre accompagné de Big Blassi, ça s'appelle I Love You, avec cet accent extrêmement le français qui parle anglais à couper au couteau, et que les anglais et que les anglaises adorent parce que c'est tellement cute, ravissant, tellement mignon, exactement. Nous allons avoir la musique de François Berléand, la bande originale de François Berléand et quelques événements que nous avons notés dans sa carrière. Mais d'abord, Nora Mzaoui n'a pas pu prendre son train pour venir. C'est une sombre blague. J'espère qu'elle n'est pas payée. Voici l'humeur de Nora. Chère équipe, bon, alors là, pour le coup, c'est pas de ma faute. J'avais prévu d'être parmi vous, j'avais mon billet de train, ma valise était prête, tout était bon, et les gens avec qui je suis partie en vacances sont venus me choper dans la rue en courant alors que j'étais en route vers la gare, soi-disant parce que je m'étais enfuie avant le grand ménage de départ. Enfuie. Non mais pardon de pas avoir voulu déranger. Hein. Enfuie, rien que ça. Si dès que tu pars sans prévenir, sans dire au revoir, pendant que tout le monde est à la plage, ça s'appelle s'enfuir, et ben, moi j'aimerais bien... Et puis ça va, faut pas déconner. Je vois pas pourquoi on devrait se mettre à 7 pour laver une maison. Je sais que ça se fait pas d'avoir voulu partir en scred, mais pour le coup, il n'y a rien qui m'angoisse plus qu'un dernier jour de vacances. Ça sert à rien, les derniers jours de vacances, ça fout le cafard. Non seulement tu te tapes la journée à faire le ménage, à essuyer le sable que t'as accumulé pendant toute la journée et qui a transformé ta chambre en litière géante, mais en plus, tu bouffes hyper mal. Toute la journée, on a été obligé de finir les restes pour vider le frigo des courses de la semaine. T'es là à t'enfiler une assiette complètement incohérente à base de salade de riz, tomates, mozza, poulet, gigot, fromage, biscuits apéro. Non mais même la pizza hawaïenne d'en bas de chez moi, elle a plus de sens. À un moment, moi, gentiment, je glisse mes petits biscuits apéritifs sous la table pour nourrir les oiseaux. Et là, je me fais engueuler. Vas-y, Nora, tu gâches, faut finir. Je gâche ? Non mais je gâche pas, je nourris l'écosystème, ça n'a rien à voir. Non, puis vous avez déjà bouffé des biscuits apéro 6 jours après la date d'ouverture. Mais c'est pas un biscuit, c'est une mimole. Et puis après ça, pendant que chacun digérait difficilement les restes, on a eu droit au compte. Oui, en vacances, il y a toujours une nana qui rêve secrètement d'être comptable et qui est hyper contente de faire les comptes. Elle est là avec son appli BNP à tout contrôler, mi-comptable, mi-inspecteur des impôts. Ah, la bouteille de rosée, tu la mets sur le pot commun ? Parce qu'il me semble que c'est toi qui as tout bu. Non, mais la conne, quoi. Bah, dans ce cas-là, bouffe ma part de biscuit apéro pour compenser, comme ça on sera quitte. Enfin, tout ça pour vous dire que j'aurais vraiment préféré être avec vous, ouais, mais vraiment. C'est ça. Ouais. Alors, vive la rentrée, vive vous, et à très vite surtout. Ouais. Bisous. Et vive Nora. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Alors, les années de Daniel... Elle est drôle, la fille. Nora Mzaoui ? Ah oui. Oui. Oui, ah oui, elle est très drôle. Drôle. Ah oui. Mais là, elle est absente. Bah oui. C'est ce que je remarque. Alors, comment ça se fait ? Nous recevrons tout à l'heure Sébastien... Plus intelligente que nous, la fille. Nous recevrons surtout. Sébastien Boller, qui est un spécialiste et qui va nous parler justement de la manipulation du cerveau et des problèmes neurologiques tout à l'heure. Et, mais d'abord, voici quelques années de François Berléand, de la carrière de François. On va commencer en 86, où vous avez fait de la mise en scène et à ce moment-là, vous écoutiez... Moustaki. Je vous vois pas. Je vous imagine mal vous déhancher là-dessus. Je sais pas pourquoi, François. À l'époque, je me déhanchais en 86. Vous êtes pas me déplacer une hanche. Oui, absolument. Après, on m'a opéré, mais. D'où le nom déhanchement. Voilà, déhanchement. Vous avez des vis encore ? J'avais les. Non, mais, oui, j'avais. Non, mais enlevé. Les vis, plus de vis. Mais. Donc vous aimez Prince ? Ah oui, oui, parce que ça groove. Ouais, ok. Ça groove. Vous avez mis en scène William. Non, une... pas, ça groove pas du tout. C'est, si, ça groove, c'est pas ça. Alors quoi vous avez mis en pièce. Vous avez mis en pièce. J'ai mis en pièce. C'est vrai que j'ai mis en pièce, oui. Et justement, vous avez dit plus jamais ça. C'est un mauvais souvenir, la mise en scène ? Mais c'est le pire souvenir de ma vie. Ah non, non, non, la mise en scène, non. J'avais fait de la mise en scène, j'avais été assistant, etc. Mais ce souvenir-là, ça a été catastrophique. On répétait Boulevard Raspail. C'était donc en 86. En septembre 86, et en septembre 86, il y a eu les attentats rue de Rennes. Près de la tour Montparnasse, ouais. Ouais, près de la tour Montparnasse. Et pendant toute la tout le service de répétition, on avait des sirènes de pompiers, de police, etc. Et avec mon mauvais esprit, mais moi je savais pas ce qui se passait, évidemment. Et donc je dis, mais c'est quoi, nom de Dieu, ces pompiers, ces ambulances, ces trucs, il y a quoi? On fait des salvanes, quoi. Voilà, on fait des salvanes, et tout le monde fait des salvanes, et puis on sort, et il y a ça. Et on jouait. Devinez où, après, au Bataclan. Oui. Donc, la pièce, c'était mais William. Bon, ça, on ne savait pas à l'époque, évidemment, qu'il y aurait ce. Non, c'était 30 ans avant les attentats du Bataclan. Donc, mais on arrive au Bataclan, et le jour de la première, c'est à peu près plein, et les jours suivants, il n'y avait personne, parce que personne n'est allé au théâtre ou au cinéma pendant un mois. Voilà. La peur des attentats à nouveau. La peur des attentats. Et il se trouve que vraiment, moi, j'étais un carrefour à ce moment-là de ma carrière, parce que c'était, je crois, une belle mise en scène que nous avions faite. Et j'avais deux films qui sortaient avec deux, où j'avais deux très beaux second rôles et il n'y a eu personne pour aller voir le film. Et j'ai une anecdote formidable sur un des films qui était sorti, qui s'appelait La Femme Secrète. Le metteur en scène arrive au cinéma au Gaumont Ambassade et il y avait deux personnes. Donc il rentre dans la salle pour voir si la projection était bonne. Il voit les deux personnes et puis il sort. Et 30 secondes après, les deux personnes qui étaient là, les deux seules personnes, sont sorties en disant « Il y a un monsieur qui est rentré. » Ah, c'est louche. Oui, c'est louche. Il pensait qu'il avait des problèmes. Donc, il a fait fuir les deux pauvres personnes. Tristesse. Voilà. Puisqu'on parle de la mise en scène, la mise en scène de moi, François, et pardon, moi et François B, mise en scène par Stéphane Hillel, de l'importance de la mise en scène pour une pièce de théâtre, et j'ai presque envie de dire encore plus pour celle-là, parce qu'il faut que l'on comprenne dans quelle absurdité, dans quelle folie on est. Absolument. Et la mise en scène de Stéphane était très fine, comme cet homme l'est d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il donne des petits temps d'avance. Vous écrivez comment ? L-A-I-D ou cet homme L'EST ? L'EST, comme cet homme l'est. Intelligent. Je vous avais dit, cette mise en scène est intelligente et cet homme l'est. Donc je ne savais pas comment vous écrivez. Cet homme l'est est intelligent. D'accord. C'est pas grave, c'est une parenthèse. L-A-I-D est intelligent. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ouais, c'est bon. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. De la mise en scène de Stéphane, de sa finesse. Elle est très fine, voilà. Oui. Elle est très fine. Non, non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Pour qu'on comprenne. Non, non, mais parce que c'est ça. Il donne un temps d'avance et un temps de recul au spectateur. Voilà. Donc, ce qui fait que ça devient extrêmement jubilatoire pour celui qui voit la pièce. Et pour Vous n'avez plus du tout l'envie de refaire de la mise en scène aujourd'hui ? Non, parce que à vrai dire, j'aime mieux être devant le public. Quand on est derrière comme ça, quand on voit les acteurs, on se dit ah, il a pas fait ci, il a pas fait ça, il est pas non. Mais justement, on vous proposait pendant les oui, jours oui, de répétition. Oui, mais après, une fois que le spectacle vous échappe, il n'est plus vous et j'aime pas ça. Moi, j'aime bien être sur le plateau. Et vous mettre en scène vous-même ? Ah non, non, ça moi-même, non, merci. Non, non, non. J'ai fait une fois, j'ai été seul sur scène et j'ai plus jamais. C'était un très beau spectacle, c'est pas moi qui l'avais écrit, c'était Claudel, donc c'était plutôt un gage de qualité, de très grande qualité. Mais voilà, plus jamais, parce que moi j'ai besoin de l'autre et voilà, j'ai besoin de l'autre. En 1991... That's me in the corner. François Berléand écoute REM, Losing My Religion en 91 et... J'écoute pas que ça, mais... Vous a demandé un titre par année. Voilà, mais en 86, c'était l'époque disco, je détestais cette époque-là. C'est pour ça que Prince, c'était un des rares qui me convenait. Ah oui, puis c'était pas disco, c'était oui, musicalement ça. Extrêmement pointu. Ouais. Et là, REM, ça vous... Ça me plaît beaucoup. Ça vous renvoie dans ces années 90 aussi. Oui, oui, oui, tout à fait, puis c'est indévodable. Là, vous étiez en tournée pour La Dame de chez Maxime, vous attendiez une réponse d'un metteur en scène pour un rôle important, vous recevez le coup de fil d'André Dussolier. Oui. On retrouve un peu la même naissance que cette pièce-là, c'est-à-dire qu'il y a des projets comme ça, qui on sait pas trop qui va les incarner, et vous entendez parler par André de quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que il me dit, ah ben il est sympa, tel metteur en scène, je ne citerai pas parce que je l'aime bien en plus. Et je dis, oui, il est très sympa, parce qu'il me propose un rôle, et en fin de compte, ce rôle m'avait été proposé en amont. Et là, j'ai compris que j'avais été trahi par ce metteur en scène. Et donc, ce qui n'est pas un peu la loi, pardon, de ce métier. Si, c'est la loi de ce métier, mais enfin bon, il y a trahison et trahison, quoi. Il y a manière. Donc moi, je venais du subventionné, j'étais dans le subventionné, toute ma carrière était dans le subventionné, et là, j'avais refusé plein de spectacles pour jouer le prochain. Et en fin de compte, j'ai raccroché Foudrage. 5 minutes après, Brigitte Jacques m'appelait pour me proposer Partage du Midi. Donc, ma première incursion dans le privé. Et là, j'ai dit oui. Même si le rôle ne me plaisait pas spécialement, parce que c'était... Mais c'était plus par la déception du comportement absolument, de cette autre metteur en scène. Tout à coup, j'ai dit, je m'en vais de ce... Il est encore vivant ? Oui, il est encore vivant. Mais je l'aime beaucoup, c'est que t'as un grand metteur en scène, donc voilà. Mais je ne le citerai pas. Non, c'est pas le nom qu'on aimerait savoir, mais quand je dis que c'est un peu le propre de ce métier, dans les nôtres aussi, c'est-à-dire que c'est des métiers d'intermittents du spectacle... Non, pas dans le public. On est pris, on n'est pas pris. Oui, mais pas dans le public. Le public, c'est normalement, c'est... sérieux. C'est plus carré que ça. Il y a une règle qui est la parole donnée fait foi. Et là, c'était Partage de Midi de Claudel avec Nicole Garcia. Absolument. Voilà. Ça, c'est donc la pièce qu'il a acceptée. Voilà. L'autre, on ne connaît pas la pièce, on connaîtrait le metteur en scène. En 2004, François, écoutez. You're beautiful. You're beautiful. D'ailleurs, je me dis en écoutant James Blunt, You're Beautiful, qui une chanson qu'on a peut-être trop entendue dans des émissions de télé-réalité, mais qui est quand même une très belle chanson. Est-ce que vous avez l'alarme facile sur des musiques Non, mais moi ça n'arrête pas. Je regarde The Voice, des fois je pleure. Parce que c'est générique de fin et que c'est fini ou parce que... Non, c'est Jennifer qui chante. Non, c'est pas ça. Non, mais des fois j'ai des choses. Parce qu'avec mes jumelles, The Voice Kid, il y avait une jeune fille qui avait une voix tellement pure. C'était magnifique. Non, mais ça on peut comprendre parce que c'est un enfant qui chante. Il y a des voix qui me transportent, quoi. Je suis très, très émotif. Très bien. Très, très émotif. Je ne changeais rien. Voilà. Et la musique me procure énormément d'émotions. D'ailleurs, quand j'écoute cette chanson, c'est mes. Voilà. Elle vous touche. Ouais, touche. Mais laissez-vous aller, François. Comment ? Laissez-vous aller, si vous voulez. Vous voulez pleurer un peu ? Non, je ne vais pas me laisser aller. En 2004, vous... J'ai envie de faire pipi. ça va être terrible. Vous croyez qu'il gêne, Nagui ? En 2004, vous êtes à l'affiche de 9 films. Ouais, mais il est tiré. Une petite année pour François. Quand même, 9 films. La première fois que vous êtes venu dans la bande, vous avez dit que vous n'étiez plus bankable au cinéma, que vous n'avez plus de propositions. Ouais. Si, j'en ai, mais qui ne m'intéresse pas plus que ça. Et comme je suis au théâtre tout le temps, je ne peux pas faire de cinéma. Voilà, j'ai pas le temps de faire. Quoique, j'en fais en ce moment. Voilà. On a l'extrait ou pas de François qui dit qu'il n'est pas bancable? Non, on l'a pas. Bon, on n'a pas eu ce vice pour vous le remettre. Non, mais c'est vrai que je ne suis plus. Mais on m'a trop vu, donc à un moment donné, quand on voit trop les gens, on en a marre, quoi. C'est normal. Non, mais le côté bankable, ça veut dire, est-ce qu'un producteur peut monter un projet en disant j'ai François Berléand dans le rôle principal? Au cinéma? Ouais. Non. Mais pourquoi vous l'affirmez comme ça? Parce que je le sais. Parce que j'ai deux projets que j'aimerais faire qui sont impossibles à monter parce que c'est sur mon nom. Et donc j'ai dit au metteur en scène, au réalisateur, j'ai dit mais prends un autre acteur, parce que avec moi tu n'y arriveras jamais. Alors ce que je comprends pas, pourquoi pour la pièce de théâtre vous dites pas moi et Berléand? Si c'est une question de faire grossir le nom en termes de notoriété, pourquoi pas le jouer là-dessus? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai pas un égo surdimensionné que déjà François B. Moi, je voulais que ce soit moi et moi, ou moi et lui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être pour un producteur de cinéma, c'est un peu engageant de savoir que vous avez votre nom en gros sur une affiche de théâtre, sur une grande salle, et que ça vous conférerait une dimension un peu plus bankable, oui, comme on dit, pour financer un film. C'est pas le même métier du tout, le théâtre et le cinéma. Le théâtre, on a 700 spectateurs par jour, maximum. Ouais. Enfin, ça dépend de la salle. Alors qu'au cinéma, il faut en avoir 50 000 par jour pour que ce soit un succès. Donc, voilà. Les 700, je peux peut-être les faire venir. Et encore, je pense pas. Mais les 70 000, non. Le problème est la frontière, finalement, entre la pudeur d'un côté, en disant soyons raisonnables et restons les pieds sur terre, et de l'autre côté, l'argent que des producteurs mettent sur un nom en espérant qu'il se soit rentable et qu'il récupère cet argent. Oui, c'est ça. Voilà, il y a trop d'intervenants. C'est-à-dire, mon producteur, il va peut-être dire oui, d'accord. Mais après, sont les télés, après, sont les financiers, etc., qui disent non. Qui ne savent pas, ne savent pas plus. De toute façon, le problème n'est pas de savoir quelle est la vedette ou pas. Le problème, c'est qu'il y a un bon film ou il n'y a pas un bon film. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Après, les questions sont des mauvaises questions. Parce que c'est pas il n'y a plus un acteur bankable véritablement en France. Ça, j'en suis sûr. Il y a des bons films. Bon, il y a Omar Sy, voilà, mettons qu'il y a Omar Sy. Mais bon, jusqu'à son premier échec. Puis le jour où il fera un premier échec, il n'y aura plus d'acteur bankable. Et ça arrive. Ça arrive à chaque fois. Alors, nous avons demandé à Sébastien Boller, merci et bonjour Sébastien. Bonjour. De venir à ce micro. Vous venez de signer un thriller chez Robert Laffont qui s'appelle Neuroland et qui rejoint un tout petit peu la manipulation éventuelle dont on va parler autour de cette pièce. Vous êtes diplômé de l'IX, de l'école polytechnique. Vous avez un DEA en pharmacologie moléculaire. Vous avez soutenu une thèse en neurologie moléculaire. Vous avez collaboré à la création de la revue Cerveau et Psycho, dont vous êtes le rédacteur en chef, qui s'intéresse justement, alors au-delà de la vulgarisation, en tout cas autour de tout ce que l'on peut apprendre en psychologie et au niveau du cerveau. Vous êtes parti du principe que suite à des attentats, on découvre une manière de rentrer dans le cerveau pour savoir ce que les gens pensent. C'est le point, point de départ de votre roman. C'est la grande tentation en fait du futur, à mon avis, c'est le contrôle des esprits, hein, puisque c'est le pouvoir ultime. Et effectivement, le scénario de ce roman imagine qu'un terroriste a placé des bombes, il veut pas révéler l'emplacement des bombes, et il se pose la question de la torture. On est dans un état de droit, il est hors de question de torturer. Puis là, des scientifiques arrivent en disant on a la solution. On a, vous savez, ces énormes IRM, ces scanners qui permettent de lire dans les pensées. Enfin, on lit pas encore dans les pensées, mais justement, on développe des logiciels pour observer ces images du cerveau et les convertir dans les pensées qui leur ont donné naissance. Donc voilà le développement technologique qui correspond en partie à la réalité d'aujourd'hui en neurosciences. Alors, vous avez pratiquement répondu à la question suivante, parce que la pièce de théâtre part également de ce principe d'un auteur qui enferme dans son cerveau un comédien pour le convaincre de jouer sa pièce, et tout va se passer dans la tête et dans l'esprit de l'auteur, mais avec ce comédien qui se rend compte qu'il est dans cet univers-là et qu'il est coincé dans le cerveau de l'auteur. Est-ce que, quand vous dites on se dirige vers ça, ça devient... Enfin, c'est bravo pour la pièce qui est avant-gardiste, mais ça devient super inquiétant, surtout. On se dirige vers ça. Il y a une différence entre lire dans les pensées, observer le cerveau, comment il fonctionne, et ensuite lui imposer un fonctionnement. C'est pas tout à fait la même chose. D'un pas. Voilà. Alors, donc, il y a des tentatives dans ce sens, effectivement. Alors, il y a les vieilles tentatives, comme finalement la lobotomie, c'était une façon de couper une partie du cerveau qui nous permet de choisir nous-mêmes ce qu'on veut penser ou pas. Donc la personne lobotomisée, en fait, devient complètement vulnérable à ce qu'on veut lui mettre dans le crâne. On lui pose une question, elle répond. On lui commande d'attraper une bouteille d'eau, elle l'attrape. Elle devient un peu un automate, donc elle est complètement assujettie à son interlocuteur. C'est bien ça. C'était un petit peu barbare quand même. Ça s'appelle un stagiaire, non. Et tout ce qui est suggestion par les images dites subliminales, par exemple, c'est aussi une façon d'impacter le cerveau. On en parle beaucoup dans, en matière publicitaire. C'est très très limité, c'est très contesté. Moi, je pense plutôt justement à l'hypnose, en fait. Oui. Parce que l'hypnose, c'est la manière de suggérer à une personne des pensées, des représentations qui sont en fait celles de l'émetteur. Donc, quand vous hypnotisez quelqu'un, vous avez un pouvoir sur lui. Alors, vous y croyez, vous bien sûr. Enfin, c'est même bien sûr. Vous êtes intelligent. C'est pas que j'y crois, c'est que effectivement, les hypnothérapeutes maintenant sont même très très employés dans le milieu médical, y compris pour suggérer à une personne qu'elle ne ressent aucune douleur lors d'une opération chirurgicale. Vous pouvez vous faire arracher une dent sous hypnose. Non. Et non. Rien sentir. Non, ça va pas être possible. Dis pas non, tu l'as pas fait. Si, j'ai été hypnotisé, mais dans des cadres de spectacle. Oui, voilà, mais là, dans le cadre d'une soirée, Nagui, c'est dans un cadre médical. C'est dans un cadre médical, on peut pas jeter le discrédit sur une pratique qui est employée dans les hôpitaux. Non, mais j'entends, mais je suis trop pragmatique et cartésien pour croire à tout ça. Mais en fait, on commence à s'apercevoir que c'est pas du tout quelque chose d'ésotérique, l'hypnose, qu'on comprend que c'est le cerveau qui commence à fonctionner différemment. Il y a justement des scientifiques qui observent le fonctionnement du cerveau sous hypnose et ils voient des choses tout à fait logiques par rapport à l'état de l'hypnotisé, c'est-à-dire que l'avant de son cerveau s'éteint. L'avant du cerveau est ce qui nous permet de faire la différence entre la réalité et la fiction, ce qui nous permet de résister à une injonction, de prendre des décisions de façon personnelle. Donc l'hypnothérapeute arrive à apaiser l'activité de l'avant du cerveau, et à ce moment-là, on est dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, où on n'est plus maître finalement de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut penser, on est très perméable. Côté des choses, comme vous le dites, c'est les thérapies qui permettent d'arrêter de fumer, de soigner, d'opérer, ou de convaincre quelqu'un qu'il n'a pas mal, ou qu'il peut en tout cas se passer, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de nourriture, réduire leur consommation, que sais-je moi, de sucre, d'alcool et autres. Très bien. L'inconvénient, et là on rejoint votre roman, c'est-à-dire c'est la manipulation des cerveaux à des fins destructrices et dangereuses. Oui, alors la suggestion hypnotique, on a dit qu'elle a été utilisée effectivement pour conditionner des soldats à certaines périodes de la guerre froide. Le problème, c'est que les effets ne sont pas très durables dans le temps avec l'hypnose. Alors, De demander à quelqu'un d'aller se faire exploser une bombe. Il y a le captagon pour ça. Oui. Alors, c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la pièce, que j'ai lu avec intérêt, c'est le fait qu'en fait, aujourd'hui, il y a des chercheurs qui se demandent ce qui se passe dans notre cerveau quand on est au théâtre, en tant que spectateur. Et ils s'aperçoivent qu'on est dans un état qui est au niveau cérébral très proche de l'hypnose. Donc on se fait embarquer dans un monde où finalement on ne résiste plus et où on se laisse suggérer un univers. C'est pour ça que c'est une façon... On est véritablement captif en fait de l'esprit de l'auteur quand on est complètement dans une fiction, soit un conte, soit une pièce de théâtre. On se laisse emporter, que ce soit au théâtre ou au cinéma, ou particulièrement au théâtre. Le fait d'être... C'est particulièrement au théâtre. Parce que c'est un spectacle vivant qui se passe... Est-ce qu'il y a des genres qui hypnotisent que ça a été étudié au théâtre. Après, il y a des genres, des comédies ou des drames qui mettent dans des états... Non, c'est commun à toute forme de fiction, en fait. Dès que vous êtes embarqué dans une fiction, vous acceptez de ne plus remettre en question ce que vous voyez. Vous êtes plus dans un... Comme quand on raconte une histoire à un enfant avant de s'endormir. C'est pour ça que je dis, un parent, en fait, il prend en otage son enfant de son univers quelque part. Il lui crée un univers et l'enfant vit dedans. Les histoires de Père Noël, finalement, il faut ensuite un certain temps pour que l'enfant se dise, je vais essayer de voir ce qui fait partie de la réalité et de la fiction. Les mêmes enfants à qui on dit qu'il ne faut pas mentir et on leur raconte que des histoires avec... des mensonges que l'on a construits pour leur enfance. Voilà, pour leur bien. C'est ça. Mais du coup, les jumelles de François Berléand vont être traumatisées ou pas si y en a une Elles avaient 3 ans. Oui, mais s'en rappelle. Même pas. Non, tu rigoles. En 2 ans, encore plus petite. Plus petite que ça. Mais aujourd'hui, sur les deux, il y en a une qui fume. Mais cela dit, il y a des expériences un peu plus inquiétantes récemment pour justement. Donc, cette expérience dans la pièce de théâtre, en tout cas, pourra être menée un jour. Ah, cette expérience-là, le fait d'aspirer quelqu'un physiquement dans un univers. Non, le cerveau ne peut pas aspirer le corps de quelqu'un dans un univers fictif. Mais on peut aujourd'hui, par exemple, avec des techniques qu'on appelle l'optogénétique, donc c'est des techniques de pointe en laboratoire, exciter certains neurones dans le cerveau, pour l'instant on le fait chez les souris, pour leur créer des souvenirs artificiels. par exemple. Donc vous arrivez avec un laser et vous activez quelques neurones précis qui correspondent à une représentation mentale de la souris. Alors on se dit, une souris n'a pas de représentation mentale, mais en fait si. Par exemple, si elle a été dans un coin du labyrinthe où il y avait un morceau de fromage, elle a retenu le fait qu'il y avait un morceau de fromage à cet endroit-là, et on peut réactiver les neurones. C'est pavlovien là, c'est une sorte de réflexe qui permet de retourner... Non, c'est bon. François, bah, pour une fois, c'est passionnant. Il m'a fait chier. Il était à deux de me taper. Oui, mais je crois qu'il t'a tapé. Il t'a mis une calotte. Donc ça veut dire qu'on peut insérer aussi le souvenir du mal. Vous dites que la souris peut se souvenir de à quel endroit elle a vu un morceau de fromage. Ouais. Et donc on peut injecter aussi un souvenir lié à un danger pour éviter que la souris aille quelque part. Voilà, tout à fait. Soit un danger, soit un plaisir même. Ouais. Vous avez un chercheur à Paris, il s'appelle Karim Benchenan, il fait des trucs incroyables. Pendant que la souris dort, la souris, en fait, elle se remémore les endroits où elle était pendant la journée. Mm-hmm. Et quand on voit s'allumer un neurone qui correspond à l'endroit où elle était pendant la journée, à ce moment-là, il lui stimule un centre du plaisir. Donc l'endroit précis dans le cerveau de la souris a été associé à un plaisir pendant son sommeil. Et le lendemain matin, on la laisse circuler dans sa cage, elle va exactement à l'endroit qu'elle a visité en rêve. Allez. Et si on le fait à nous, est-ce qu'on trouve du fromage aussi? Bah, il faudra attendre que des lois éthiques autorisent de faire ça chez l'être humain, mais ça n'arrivera certainement pas. Tu trouveras peut-être du plaisir un jour, Daniel. Et est-ce que ça se transmet? Est-ce que ça se transmet? Est-ce que le petit de la souris peut... aller naturellement à cet endroit du plaisir. Alors que lui, n'a pas été manipulé. Ouais. Il faut être très clair là-dessus. Ça, c'est des choses qu'on modifie dans le cerveau, donc la plasticité cérébrale. Mm-hmm. On peut changer le cerveau d'une souris, mais ça ne se transmet pas ensuite dans ses gènes. Non. François, vous avez une question à poser à Sébastien. Non, c'est passionnant ce que vous dites. Et c'est inquiétant pour vous ou pas d'entendre tout ça? Mais non, du tout, au contraire. Moi, j'adorerais qu'on me fasse des stimulations comme ça. Mais comme ça, pour de manière expérimentale. Alors, il y a moyen de le faire sans mettre des électrodes, hein, quand même. Comment avec Regardez Secret Story. Des champs électromagnétiques. Vous savez, vous mettez des électro-aimants à la surface de la tête. Donc, les ondes électromagnétiques traversent le crâne et vont activer certaines zones du cerveau. Vous pouvez, par exemple, augmenter de 20 ou 30% votre mémoire sur des tests que vous avez appris la veille. Bon, ça se fait en laboratoire, c'est pas encore commercialisé. Ah bah alors, moi, ça... Voilà. Pour les tests, je suis preneur, là. Il y a beaucoup d'articles passionnants dans Cerveau et Psycho, parce que, notamment là je vois sur le trouver l'équilibre quand les aliments régulent nos émotions et notre bien-être, c'est vrai que tout ça fait partie un peu du même mécanisme aussi avec les suggestions, ceux qui ont la volonté, par exemple, de ne pas grignoter tout et n'importe quoi en dehors des repas, ceux qui vont choisir les éléments, ceux qui vont trouver du plaisir dans certains aliments plutôt que dans d'autres. Cette revue que vous dirigez, en tout cas, est absolument passionnante. Le nouveau numéro s'appelle Réapprendre à dormir, la science du sommeil réparateur. C'est pour François, ça. C'est pour moi. C'est une révélation, cette émission, pour vous, François. Mais complètement. Ouais. Vous allez me donner vos coordonnées, je vous donnerai les miennes. Et Daniel, je vous invite à voir la pièce. Ah, je serais ravi. Hein, ah oui. Avec grand plaisir. Trouver l'équilibre. Et le roman si s'appelle. Je vais arriver à empiler trois pommes. Exactement. Le roman s'appelle Le Neuroland chez Robert Laffont. J'ai une dernière question, Sébastien, avant de vous laisser partir tranquillement et de passer évidemment dans la salle qui est à côté où nous allons faire des expériences sur votre corps. je voudrais savoir si la télépathie fait partie également des avancées scientifiques, en plus des manipulations des neurones et des zones de plaisir ou de déplaisir qui sont activées. Alors ça, c'est un grand sujet. Il y a eu des expériences qui ont commencé, en gros, il y a trois ans. Parce que la 4G, on s'est fait avoir, ça ne marche pas très bien la 4G. Hein, donc, est-ce que la télépathie marchera mieux? Alors la télépathie. Il y a eu les premières expériences il y a trois ans sur des rats. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était à l'Université de Caroline du Nord. Vous êtes très rongeurs, hein, les souris, les rats. Non, mais on commence par les rats, puis après on passe chez les humains. C'est toujours la démarche scientifique. Donc vous aviez un rat, par exemple, à l'Université de Caroline du Nord, qui apprenait à trouver la sortie d'un labyrinthe, puis il avait des électrodes branchées dans le cerveau pour voir comment son cerveau photographiait le plan du labyrinthe. Et puis vous aviez un autre rat au Brésil, qui était connecté par Internet aux électrodes du premier rat. Il avait lui aussi des électrodes dans son cerveau. Et le rat qui a photographié la sortie du labyrinthe et réussi à transmettre les informations sur le plan du labyrinthe au rat qui le découvrait pour la première fois à Brasilia. Donc ça a été les premières expériences et le rat a réussi à trouver la sortie du premier coup. Et puis, il y a deux ans, il y a eu une expérience similaire qui a été faite chez l'être humain où vous avez une première personne dans un laboratoire qui... décidé d'appuyer mentalement sur une commande pour jouer à un jeu vidéo. Il ne faisait pas le geste, il le faisait juste en pensée. Et vous avez des capteurs sur son cerveau qui transmettaient ensuite l'influx nerveux au cerveau d'un autre cobaye humain, cette fois-ci, dans la pièce à côté, qui lui appuyait sur le doigt exactement au même moment où l'autre souhaitait mentalement qu'on appuie sur la commande. Donc il y avait un transfert des informations motrices de la personne qui jouait au jeu vidéo à la personne qui appuyait sur le bouton sans savoir très bien pourquoi. Donc il devenait véritablement le prolongement, le corps du cerveau qui est dans la pièce à côté. Exactement. Ça peut marcher. Donc, par exemple, on va obliger nos enfants à distance à ranger leur chambre. Alors pour ça, il y a un truc qui est très efficace, c'est la prise du contrôle de la volonté par la parole, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on n'arrête pas d'aspirer les gens dans nos univers par les mots. Et je pense que la parole gardera très longtemps un pouvoir bien supérieur à ces formes de transmission de pensée par l'informatique. Ça veut dire quoi, on est tellement émerveillés par tout ça. L'éducation. Sébastien Boller. Non, mais pour Nagui, il y a des enfants un peu partout dans le monde. Moi, c'est ce que je veux savoir. Sébastien Boller, et vous l'avez entendu, il est passionnant. Sa revue aussi, Cerveau et Psycho, l'est. Et son roman est à la fois inquiétant et prenant. Pour la sécurité de tous, vos pensées sont désormais la propriété de l'État. Ça donne envie de lire. C'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup. D'être venu. Malheureusement, Daniel Morin va essayer de se mettre à ce niveau de je sais je tout. Je suis. Oh, tu parles. Parce que vous, vous inquiétez ou pas des recherches scientifiques sur le cerveau? Ah là là, Nagui. Quoi? Encore une fois, elle est excellente cette question. Merci. Monsieur Guy. Votre finesse d'analyse me laisse sur le cul. Malheureusement, c'est pas la bonne question. Non, la bonne question est, en fait, pourquoi s'embarrasser d'un cerveau? Perso, ça fait bien 10 ans que je navigue l'esprit libre parce que totalement vide d'idées pour cause de cerveau en jachère. Est-ce que ça me manque? Pas le moins du monde, je ne perds plus mon temps à essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi. Depuis que je ne pense plus, je m'éclate en regardant les programmes d'Énergie 12. Depuis que je ne pense plus, j'ai lu avec passion les mémoires de Nabila. Depuis que je ne pense plus, je comprends Anne Roumanoff. Enfin, depuis que je ne lis plus, j'ai adhéré au fan club de Nadine Morano, je l'espère gagnera la primaire, puis l'élection présidentielle. Avec Nadine, je me sentirai représenté intellectuellement, enfin. Depuis que je ne pense plus, je peux vous dire... je kiffe la vie. Eh oui, et c'est avec des frissons d'angoisse que je repense à la période de ma vie où ma cervelle était active. J'avais des migraines, j'étais mal. Un jour, j'ai essayé de faire les mots fléchés dans Télépoche. J'ai frôlé l'AVC. Montaigne disait préférer une tête bien faite qu'à une tête bien pleine. Eh bien, je m'inscris en ligne directe avec ce monsieur. Ma cervelle est vide, mais d'une beauté. Et au final, c'est bien là le principal. Alors, en même temps, si je détourne le message de Montaigne, pardonnez-moi, mais je viens de vous le dire, je n'utilise pas mon cerveau. Privilégions l'emballage au contenu, c'est plus reposant et on est moins sûr de vivre à 100% dans son époque. Enfin, pour répondre à votre question, faut-il s'inquiéter des recherches sur le cerveau? Eh bien, j'en sais rien. L'Erita Mitsuko avec cet hôtel particulier, vous êtes bien dans la bande originale et justement c'est votre bande originale de cette matinée. En 56, 7, 8, peu importe de la rue X, si vous frappez à la porte. D'abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer. Seul, parfois même accompagné. Une servante, sans vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent. Décoré de bronze ou baroque, dents dorées, l'Aphrodite et le Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici de Cléopâtre. Dans les colonne du lit de style rococo, sont des nègres portant des flambeaux. Entre ces esclaves nus taillés dans les belles, qui seront les témoins muets de cette scène? tandis qu'au plafond, miroir nous réfléchit. Lentement, j'enlace Rita Mitsuko, l'hôtel particulier, notre invité François Berléand jusqu'à midi et demi, nous parlons de Moi et François B, cette pièce de Clément Gaillet mise en scène par Stéphane Hillel qui sera jouée à partir du 13 septembre prochain au théâtre Montparnasse. On continue avec lui dans la dernière demi-heure, mais on retrouve les infos surtout après ça. Ah. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. On se retrouve à la récré pour un moment musical, du classique, du jazz. L'important, c'est que la musique vous étonne, vous émeuve, vous fasse du bien. La récréation, du lundi au vendredi sur France Inter. À tout à l'heure. À partir de 16h. À retrouver aussi en podcast sur franceinter.fr. Pour 139€ par mois, ne dites plus jamais. Allô ? Oui, oui, j'arrive dans 10 minutes. Je suis garée un peu loin. Smart for Two. Garez-vous enfin, là où vous allez. Smart for Two, 45 kilowatts pur à partir de 139€ par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Il est midi, vous êtes bien sur Inter. Les informations, Laetitia Gaillet. Deux centres pour accueillir les migrants à Paris et pour éviter les campements sauvages comme celui qui a été démantelé encore ce matin dans le nord de la capitale. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a donc confirmé ce matin. Le centre près de la porte de la chapelle ouvrira finalement mi-octobre. Il sera installé dans une ancienne friche SNCF. Il sera réservé aux hommes seuls qui pourront y être hébergés pendant une période de 5 à 10 jours et il pourra à terme en accueillir 600. Le deuxième site sera lui à Ivry-sur-Seine au sud de Paris dans une ancienne usine, 350 places et il sera réservé aux plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants. Le premier plan a été présenté aujourd'hui. Mais l'accueil des migrants continue de diviser. Exemple, à Forges-les-Bains dans l'Essonne, le bâtiment qui devait ouvrir dans les prochaines semaines a été incendié la nuit dernière. Pas de victimes, mais des dégâts et des questions, Béatrice Duguay. Les pompiers sécurisent en ce moment le vaste bâtiment dont une partie de la toiture a souffert, endommagée donc par un incendie qui s'est déclenché au milieu de la nuit. Il y a quelques jours déjà, des dégâts ont été commis dans les locaux de ce qui servait jusqu'à il y a 5 ans de centre d'accueil pour enfants de la DAS. Ce qui interroge dans ce sinistre, c'est la proximité entre le déclenchement des flammes et une petite manifestation d'opposants au projet en fin de journée hier à la mairie de Forges-les-Bains. Le bâtiment appartient à la mairie de Paris qui veut y héberger 90 personnes migrantes dans les mois qui viennent, uniquement des hommes apparemment. Le centre serait géré par Emmaüs Solidarité. Une partie de la population de cette petite commune de l'Essonne ne veut pas du projet. Une réunion d'information était prévue dans les jours qui viennent. Forges-les-Bains, Béatrice Duguay, France Inter. On reviendra bien sûr sur ces deux informations tout à l'heure dans le journal de 13h. L'incendie de Forges-les-Bains et l'ouverture du centre d'accueil pour migrants à Paris. À 13h, on fera aussi le point sur les incendies dans l'Aude et aux portes de Marseille. L'étude également du Secours Populaire qui montre aujourd'hui que les foyers les plus modestes ne se soignent plus, faute de moyens. Et puis l'appel à la grève lancé par des syndicats de SFR qui refusent le plan de départ volontaire de la direction 5000 d'ici 2019. Au Gabon, la réponse du ministère des Affaires étrangères aux inquiétudes de Paris sur le sort d'une quinzaine de ses ressortissants. Le ministère des Affaires étrangères gabonais affirme aujourd'hui que des citoyens franco-gabonais ont bien été interpellés après les manifestations post-électorales de la semaine dernière. Les services du ministère de la Justice sont, dit-on, à la disposition des familles pour répondre à leurs questions. Mais une semaine après la réélection d'Ali Bongo, la situation reste confuse sur place. Si le calme est revenu, la vie a du mal à reprendre son rythme d'avant, Sébastien Nemeth. Administrations et entreprises tournent encore au ralenti. Beaucoup d'employés, effrayés par les violences, ne sont pas encore revenus. À la trésorerie publique, les fonctionnaires comme Parfait Ondomzoui viennent toucher leur salaire. L'enseignant n'a pas reçu sa paye depuis 2 semaines. Quand j'arrive, le ministère était complètement fermé. On ne pouvait pas toucher l'argent, on a dû attendre. Mais ce matin, on a cette impression qu'on sera reçu, on espère bien. Heureusement, sa compagne a reçu son argent par virement bancaire, donc le couple a pu s'en sortir. Les chefs d'entreprise font aussi grise mine. Mathias est chef d'une agence dans l'énergie. Ce matin, seuls 7 employés sur 80 sont venus. il a préféré les renvoyer chez eux par sécurité. J'ai décidé de fermer. C'est une perte énorme. Toute une journée de travail associée à la semaine qu'on vient de passer là, c'est catastrophique. Et si ça continue comme ça, on ne peut que mettre les gens en congé technique. Pamela Billoguet, une réceptionniste d'hôtel, avait fui les violences pendant plusieurs jours. Elle a repris le travail ce matin, mais elle confie être prête à fuir à la moindre étincelle. J'étais censée reprendre le premier, mais à cause des bousculades qu'il y avait après les élections, ce n'était pas possible. C'était pour un peu voir la température dehors, parce qu'on était cloîtrés à la maison. Et puis on se faisait un peu chier, donc c'était un peu pour voir si les choses avaient repris. Devant la société d'énergie et d'eau, une femme sort, dépitée. Après plusieurs heures d'attente, elle laisse tomber. « Je pars me distraire et je reviens demain », explique-t-elle. Boris Vichit, Sébastien Hémet, Libreville, RFI pour France Inter. Et ce matin, à propos de l'élection présidentielle au Gabon, Manuel Valls a suggéré un nouveau décompte des voix. C'est ce que la sagesse commanderait, a dit le Premier ministre. Robert Rochefort n'est plus le vice-président du Modem. François Bayrou a mis fin officiellement à ses fonctions aujourd'hui. Cela fait suite à l'interpellation de l'eurodéputé, ancien directeur du Crédoc la semaine dernière. Il a été interpellé pour exhibition sexuelle présumée dans un magasin de bricolage à Vélizy, en région parisienne. Ces accusations ne sont pas fondées. Dans un communiqué, l'eurodéputé Modem réfute aujourd'hui les accusations dont il fait l'objet. Robert Rochefort affirme que les faits se sont produits dans un contexte où il a été frappé, jeté à terre par une personne ne faisant pas partie de l'établissement. Allez, à 13h, vous retrouverez Bruno Duvic pour le journal avec un invité, Régis Le Sommier, journaliste à Paris Match, auteur de Daesh, l'histoire. Mais pour l'instant sur France Inter, il est 12h05. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip. Le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Tous les soirs, une plongée dans l'univers d'un musicien ou d'un courant du rock. Cette semaine, on explore le parcours d'un groupe américain qui a changé la face du rock en France, les Violent Femmes. Very good trip. À ce soir. Sur France Inter, à partir de 21h. Moi, c'est Chloé. Je partage un appart avec deux colocs. Et des trois, je suis clairement la plus désordonnée. Je laisse tout traîner derrière moi. Non, je reconnais, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ils vont même plus loin. Mon offre MGEN inclut des services d'assistance. Par exemple, si je suis immobilisée après un accident, devinez quoi ? J'ai droit à une aide ménagère. Chloé a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Salut Naïs, la bande originale, la suite, on y va. Je vois pas de qui vous moquez, Laetitia, parce que vraiment, c'est pas notre genre ici. C'est pas du tout notre pas genre. Pas du tout, du tout. Merci Laetitia Gagné. Elle reviendra vous informer toute l'après-midi, bien sûr. Et nous avons à 13h le journal. Bruno. C'est Bruno Duvic. T'as du chocolat ? Ouais. Quoi ? Vous êtes à l'antenne. Excusez-moi, les filles, vous êtes à l'antenne. La télépathie ne marche pas encore. Pour l'instant, c'est juste un micro. Hein. Faites gaffe, hein. On entend tout ce que non, vous dites. Non, on s'est dit d'autres choses à part très le chocolat, bien. En fait. Bien dégueulasse. À tout à l'heure, Laetitia. J'suis merci. Je suis pas là. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudani, Daniel Morin, Tom Villa, bonjour. Richard Ornac, bonjour. Et notre invité François Berléand. François Berléand avec Sébastien Castro, Constance Dolé, Inès Valarcher, Clément Gaillet, qui est l'auteur de la pièce Moi et François B. Mise en scène par Stéphane Hillel. Tout ce beau monde vous donne rendez-vous à partir du 13 septembre au théâtre Montparnasse. Cette pièce est dans un décor particulier, avec une mise en scène particulière. Nous, on a lu le texte, on a compris l'histoire, et en l'occurrence celle d'un auteur qui essaye de convaincre le célèbre comédien qui est François Berléand de venir jouer dans sa pièce. De lire sa pièce, déjà. De lire sa de la pièce, lire, ouais. Sous-entendu ensuite, pour l'accepter, voilà, ouais, c'est ça, pour la jouer, absolument. Pour l'incarner. Donc il vous découvrira au fur et à mesure qu'il n'en est rien, que c'est encore autre chose. Il vous embarque en tout cas dans son cerveau, lui-même d'ailleurs improvise, et c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou qui ne vous plaît pas, hop, il change d'idée et ça change quelque chose dans la, voilà, dans la mise en scène, dans le jeu. Donc il fait venir la table basse, c'est la fameuse ça. Table basse. Inès. Joué par Inès Valarcher, on prévient les féministes encore une fois, clairement François Berléand défend la condition féminine, mais finit quand même par poser sa bière sur la table basse. Je ne bois pas de bière. Ah, c'est pas une bière, c'est mais, autre chose. J'ai du Aubryon. Pardon, excusez-moi. Ah bah oui, mais quand même. Quelle année ? 89. Ah, quand même. Oui, donc quand tous même. Tous les soirs ? Tous les soirs. Il y a un gros budget. Il y a un gros budget. Alors, on ne saura pas si c'est du Haut-Brion ou pas. Du jus de raisin. Un bon boulot. Malheureusement, ça sera. Oui. Non. On n'a pas le droit. Non, c'est du cassis. On n'a pas le droit d'avoir du vrai vin sur scène. Si jamais. Jamais. C'est interdit. Quoi, il vérifie ? Inspection du travail. Bien sûr, c'est inspection. Non, c'est interdit. Interdit de boire de l'alcool. L'inspecteur du travail est tellement bourré. Les comédiens sont bourrés. Ça, c'est dans l'horloge. Et les comédiens qui fument sur scène, par exemple, c'est très régulier dans le théâtre subventionné. Oui, il y en a de moins en moins maintenant. Parce qu'ils commencent à. Souvent, c'est des. Parce que moi, je me souviens, j'avais fumé. J'avais arrêté de fumer, donc c'était un peu compliqué. Donc j'avais pris des. Je sais pas comment ça. Les NTB, là. C'est quoi ? C'est les cigarettes qu'on, en pharmacie, les trucs. Oui, des fausses, quoi. Des fausses, mais ouais. C'est de l'herbe, voilà. Ah ! Voilà, et c'était ce que dégage une odeur, c'est comme si on fumait un pétard, quoi. Et un truc à l'eucalyptus. Oui, c'est ça, l'eucalyptus. Ouais, je vois. Et je me souviens des gens, chaque fois, c'était « Oh, bah, il fume un pétard, dis donc !» Mais il se drogue, Berléand. Il se drogue, Berléand se drogue. Donc, voilà. Mais vous avez bien tenu, en tout cas, vous fumez plus. Non, je fume plus. Très bien, alors que l'alcool, ça continue. Ça, ouais. Je le dis, si jamais vous voulez offrir des bonnes bouteilles à François Berléand... Et avec du chocolat. Ça, il faut... avec le bon code d'or. Voici l'humeur de Daniel Morin. Deux fois. Ah, il écrit beaucoup. Je suis pas payé. Vous savez que la diplomatie est un art délicat. Une alternance de politesse et de demandes qui se font toujours dans les règles de la bienséance. Est-ce que la franchise a sa place dans les fondamentaux de la diplomatie ? Oui, sûrement, mais de façon mesurée. Ça va de soi. Ça va de soi, mais pas partout. J'en veux pour preuve les propos tenus par le président philippin Rodrigo Duterte. À quelques jours de sa rencontre prévue avec Barack Obama... Obama, qui avait quelque peu douté des méthodes de Rodrigo concernant la lutte contre les trafiquants de drogue, oui, le président philippin a tout simplement fait un appel national pour que les gens abattent eux-mêmes en pleine rue les dealers. On en est quand même à plus de 2000 exécutions sauvages. Et bien, suite aux réserves du président américain, Rodrigo Duterte a déclaré, en parlant de son homologue, « Il faut être respectueux. Fils de pute, je vais te porter malheur. » Non. Si. Pas mal. Pas mal, hein. Couillu, c'est sûr. Irresponsable, c'est évident. Réaction de Barack Obama. Et mal élevé. Il annule sa visite. Tu m'étonnes. En même temps. En même temps. Non, mais est-on sûr qu'il s'agit là d'insultes directement proférées à l'encontre du président américain ? Ah, bon, ok, ça y ressemble, mais au moins, s'est-on posé la question ? Et si le président philippin était tout simplement victime du syndrome Gilles de la Tour ? Ah, ben oui, ça existe, ça arrive. Syndrome terrible qui pousse ceux qui sont frappés à balancer des insultes et des grossièretés comme ça, en vrac, sans raison. Si ça se trouve, Rodrigo Duterte est malade et nous, bêtement, ben, on l'accable. N'empêche que, oui, je suis d'accord, si tu es victime du syndrome Gilles de la Tourette, tu ne fais pas président comme métier. Non, ça craint. J'imagine François Hollande atteint par le syndrome en pleine conférence de presse alors qu'il accueille Angela Merkel. Dans un premier temps, je voulais déclarer à mon invité, Madame Merkel, toute mon amitié, toute la confiance que j'ai en elle. Put. Par le passé, c'est vrai, nous avons eu quelques points de discorde. Mais n'est-ce pas là le secret d'une relation libre et au final, fructueuse. Salope, nazi, put. Madame la chancelière, soyez la bienvenue à Paris. Traînez, pute, charogne. Diplomatiquement, c'est délicat. Ouais. Et oui, et il n'y a pas que président comme métier a priori incompatible avec le syndrome Gilles de la Tourette. Animateur aussi, c'est tendu quand tu souffres de ce mal. Vous imaginez, est-ce que vous imaginez une seconde, Nagui, malade du syndrome. Bonjour et bienvenue dans la bande originale, aujourd'hui notre invité, François Berléand. Bonjour et bienvenue François. Connard. Vous êtes venu pour nous parler de la pièce « Moi et François B. » De la merde. Une pièce géniale dans laquelle vous êtes... Je le dis parce que j'en suis sûr, je l'ai lu, je n'ai aucun doute, vous êtes une justesse, fumier, ordure, connard, douanier, pute. En tout cas, douanier, c'est une insulte. En tout cas, une pièce, je peux vous le dire, qui fait du bien. Chiot, connard, pute. Mais d'abord, comment ça va, François ? En attendant, les amis, là, je vous garantis que je ne suis atteint d'aucun syndrome. Ce président Duterte, c'est vraiment un gros con. À demain. La bande originale. Sur France Inter. François Berléand joue donc à partir de la semaine prochaine au théâtre Montparnasse, moi et François B. Une pièce drôle et qui prête à réfléchir aussi sur la manipulation, sur les rapports avec son entourage, le rapport professionnel. Oui, et puis sur le désir aussi. C'est parce que nous, les comédiens, nous sommes toujours dans le désir de l'autre, ouais. Du metteur en scène, de l'auteur, etc. Et là, tout à coup, c'est on inverse la chose. L'auteur doit aussi être désiré par le comédien. Et ça pose cette question-là aussi, des deux côtés, etc. Surtout bon, quand le comédien est connu et que l'auteur l'est moins. Voilà, l'est moins. L'occurrence, c'est parodique, hein, parce qu'un auteur aussi bête que celui qui est interprété de manière extraordinaire par Sébastien Castro, voilà, on n'a pas envie de jouer sa pièce. Par contre, on a envie de jouer cette pièce-là, moi et François B, parce qu'elle est... très, très jubilatoire. Ouais. Et puis elle est déjà drôle à lire et on imagine qu'elle sera encore plus avec la mise en scène de Stéphanie Lel et l'incarnation de François Berléand. François, vous avez une année 2017 déjà chargée, puisque au mois de janvier, donc il faut se dépêcher d'aller vous voir au Théâtre Montparnasse, puisque on sait d'avance qu'en janvier ça s'arrêtera. Oui, on reprendra Momo en tournée. D'accord. Alors Momo, justement, en tournée avec Muriel Robin et Sébastien Thierry, puisque c'est lui qui en est également l'auteur. Cette tournée va durer quoi, jusqu'à avril. Avril, mai, juin. Non, avril. Avril. Oui, parce qu'après, c'est compliqué avec les présidentielles. Les gens ne vont plus au théâtre, ils sont... Ils ont peur. Ouais, ils ont peur. Ils savent pas qui va. Voilà. Le 26 avril, vous serez à l'affiche du film C'est tout pour moi, réalisé par Nawel Madani et Ludovic Colbeau-Justin. Voilà. C'est à partir du spectacle de Nawel. Absolument. C'est ça. Non, alors, à partir de sa vie. Oui, plutôt. Ouais, enfin, c'était le début du spectacle. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Là, c'est, en l'occurrence, c'est sa vie. Sa vie romancée. Hein. Mais y compris l'outing de son frère qui n'a aucune raison de faire un outing et compagnie. Enfin, ça, c'est voilà, plein de choses à raconter ici. Ouais, c'est très drôle. Ouais. Voilà, absolument. Très, très drôle. Et quel est vous jouez le rôle de quoi? De son papa? Son papa. Je peux pas être son père, voyons. Sa mère, à la limite. Oui, sa mère, mais pas son père. Non, je suis son. Non, je suis un comédien qui relativement connu, mais c'est pas moi là pour une fois. François, j'ai un appel de Dusselier, je vous le passe. Non, donc c'est un comédien qui va la coacher dans sa quête de reconnaissance. De reconnaissance. D'accord. Et de travail, parce qu'elle sort de prison. Voici. C'est pour ça que c'est pas tout à fait sa vie, parce qu'elle a pas fait de prison. Clairement. Enfin, pas encore. Elle aurait pu y aller. C'est pas le risque. Parce qu'elle est malienbèque, elle. Parce qu'elle est belge. Hein. Oui, je sais. Dans l'invité, il y avait une sécurité ici. À 12h15, c'est pile l'heure du brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi pour François Berléand. François Berléand, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un talent caché, François Berléand. Hello, Frank. I'm here. Get out of the house. Oh, no. I want those persons in my lens. Get the medal and just get out. Free! Who the fuck are you? I'm the cook. Et c'est vous, en anglais, dans, dans la bande-annonce du Transporteur. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je crois comprendre que le tournage en anglais, ça a été coton. Oui. Au départ. Oui, parce que je suis comme beaucoup de Français, je ne maîtrise pas bien les autres langues. Donc j'ai appris l'anglais pendant des années, des années, des années, mais pas de manière assidue. Donc il a fallu me coacher. Donc heureusement qu'il y avait un coach. Et moi, j'aurais voulu parler l'anglais like this. Because it's more easy for me, but it's easier, on dit pas more easier. Ouais, enfin, easier. Ouais. C'était très mignon. That's, oui, mais more easy, parce que j'aime ça. Tu m'étonnes qu'il a aimé Mathieu Bogart. Eh oui, voilà, c'est ça. Il a compris. Et donc, voilà, donc à chaque fois, j'avais les coachs américains qui me disaient, parce qu'il fallait être compréhensible pour les Américains. Les Anglais s'en foutent, mais les Américains ne font aucun effort. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de... Ça m'a cassé les pieds. Vraiment. Et ça change aussi, j'imagine, pas mal le jeu, parce que c'est une autre langue, donc en termes d'intonation, d'intention. Oui. Et puis moi, si vous voulez, je ne savais même pas quand je devais dire mes phrases. Je savais que je les connaissais par cœur, mes phrases. Ce n'est pas la question, mais quand les dire, parce que je ne comprenais rien à ce que disaient les autres. Donc j'avais appris le dernier mot, mais des fois, ils ne disaient pas le dernier mot. Donc c'est à moi, là. Donc il y avait un petit silence, et donc j'y allais. Puis, mais non, tu ne m'as pas fini. Ah bon. Et c'est devenu un passeport, en fait, ce film, Transporteur, pour vous. Parce que bien, vous êtes connu en Afrique du Sud, en Inde, au Rajasthan. Oui, bien sûr. C'était assez étonnant, parce que, en général, les comédiens français, ils ne sont connus qu'en France, puis en Belgique, et puis en Suisse. Les pays francophones. Voilà, les pays francophones, mais sinon, ils ne sont absolument pas connus. Et là, avec le Transporteur, j'ai acquis une notoriété absolument incroyable. Enfin, Jean Dujardin, comment c'est, ou Omar Sy, comment ça s'allie une autorité à l'étranger, dans des pays non francophones, justement. Vincent Cassel aussi, avec Ocean Toile. Et franchement, Je crois que je les bats en automne. Et donc ça pourrait bien vous positionner. Il y en a un qui est au-dessus, il y en a un qui est au-dessus, c'est Jean Reno. Ouais. Alain Delon. Alain Delon. Et Depardieu. Et Depardieu. Mais non, ils ne connaissent pas mon nom. Mais c'est très amusant, mais je n'en reviens pas de ça. Ça pourrait vous positionner un bon endroit pour un Tarantino, un Eastwood, voilà, par exemple. Je serais peut-être plus bankable aux États-Unis qu'en France. Ça serait cool. C'est rigolo, non? Ouais. Allez, un son à présent plus familial. C'est le Nick Hogan, ça ? Absolument, c'est le Cantabile de Paganini, qui est joué par Léonide, Kogan. Kogan. On vous a pas aidé, vous avez trouvé, bravo. Ouais. Qui fait partie de votre famille ? Oui, alors c'est vous expliquez ? Oui, c'était un cousin germain de ma grand-mère. Mm-hmm. Voilà. Cousin germain de ma grand-mère. Que je... Mais justement, c'est pour ça que je croyais pas que c'était lui. Il a pas. Ah, voilà, mais là. Bah oui. C'est dans les graves, il a son. Ah, sa petite patte. Il a un toucher très particulier. Voilà, voilà. Et donc, dans votre famille, il y avait beaucoup de musiciens aussi. Oui. Votre grand-père maternel. Alors là, du côté maternel. Ça, c'était du côté paternel. Ouais. Et du côté maternel, donc, j'avais un arrière-grand-père qui était chef d'orchestre. Adam, voilà. Monsieur Adam, hein, c'était pas son prénom. Ouais. Je sais pas son prénom. Oui. Il était... Non, c'est du côté maternel, ça, c'était Cato. Et il y avait ma grand-mère, qui était une très très bonne pianiste. Prof de piano, c'est ça aussi, qui a enseigné ? Non, elle n'était pas prof de piano. Ah, non, elle n'était pas prof de piano. Elle a failli être concertiste, mais elle s'est cassée. Elle a eu une rupture du pouce, donc elle a... Quand vous en parlez avec beaucoup d'émotion, vous allez... particulièrement fier de votre famille, y compris d'ailleurs des découvertes que vous faites au fur et à mesure que vous apprenez qui ils étaient ou ce qu'ils ont fait. Ben oui, parce que y a, enfin, non, compte, je me rends compte qu'il y a eu un non-dit de la part de mon père. Là. Du côté maternel, je savais plus de choses. Mais du côté paternel, je ne savais rien. Et donc, j'ai appris des choses qui me font plaisir parce que tout à coup, je me comprends, moi, un peu plus. Ça vous transforme ? Non, mais disons que c'est comme une analyse. J'ai compris pourquoi j'étais comme ça aussi. Voilà. Mais c'est très amusant parce qu'à un moment donné, il s'est posé pour moi la question de la musique ou du théâtre. Parce que j'avais. Faut-il choisir ? Non, c'est pas ça. C'était à 13-14 ans. D'accord. J'avais quelques prédispositions pour le piano et à un moment donné, le prof de piano a dit il faut faire un choix. Soit les études, soit le piano. Mais voilà, il avait appelé ma mère et il a dit notre fils a beaucoup de talent, en tout cas d'interprétation. Il n'a pas encore les doigts, mais il a de l'interprétation, donc c'est rare. Et voilà, je voudrais m'occuper de lui. Mais il faut qu'il s'investisse 3 heures ou 4 heures par jour. Et là, t'as coup de me dire 3 heures, 4 heures par jour du piano, non. Ça... Donc le côté flemmard. Et lui, j'avais comme une petite voix qui disait Oui, mais vas-y, c'est bien, c'est ce que t'aimes le piano. Et puis du coup, non, fais pas ça, tu vas pas. Non, tu vas découvrir plus tard le théâtre et tu vas voir. Bon, c'est pas non plus un métier de fainéant, le théâtre. Oh, non, loin de là. Et vous avez un conseil musique. En ce moment, vous écoutez quoi? On a parlé de votre BO tout à l'heure. Et là, en 2016, vous écoutez quoi? Alors en 2016, moi j'écoute toujours de la musique classique, hein, quoi qu'il arrive, c'est toujours pour moi très important. Alors surtout j'aime beaucoup l'opéra, donc j'écoute du Mozart, du Verdi, voilà. Non, c'est faux. Si, non, non, c'est faux. Je peux montrer. En ce moment vous écoutez. Mais voilà l'homme. Ah oui. J'ai acheté en plus. J'ai acheté tout. Vous expliquez ? J'écoute quelque chose. J'allais dire parce que c'est un groupe. Je crois français, mais vous expliquer pourquoi. Il y a un personnage qui s'appelle Cézanne. Oui, la fille. Il y a une vanne, qui est faite dans la chanson. Basse, autour, ouais. Existe. Ouais. Et vous la chantez cette chanson? Non, pas moi. C'est Sébastien et la petite. Yes. Et en ce moment, j'écoute Diving with Andy. Oui. Voilà, qui est un groupe anglais, enfin français, je crois. Elle est française. Et qui chante divinement bien. Donc j'ai les trois. C'est pop rock, ouais. Ouais, pop. Ouais. Oh, c'est doux. C'est très doux. Moi j'aime bien la musique douce. C'est très Beatles, je trouve. Ouais. Et j'en finis avec un conseil culture. Comme pour chaque invité, je vous recommande d'aller voir un film au cinéma. François Berléand, c'est Le Fils de Jean de Philippe Lioré qui est encore à l'affiche avec Pierre Deladonchamp. C'est l'histoire d'un jeune homme. Ton chouchou. Oui, j'aime beaucoup cet acteur, il m'a beaucoup touchée. Très bon. C'est un très bon acteur. Dans L'Inconnu du Lac, il était fantastique. Et là, vraiment, dans Le Fils de Jean, je vous invite à aller voir l'étendue de son talent. C'est l'histoire de Mathieu qui découvre un matin, par un coup de fil, que son père est mort. Et il découvre par la même occasion l'identité de son père, qui vit au Canada. Il fait la traversée pour rencontrer ses demi-frères. Et finalement, c'est vraiment un film sur la quête identitaire, sur la famille qu'on se choisit. C'est un très très beau film qui est adapté, qui est issu plutôt d'un bouquin de Jean-Claude Dubois, dont on parle pas mal pour la rentrée littéraire avec La Succession. Et ce bouquin, c'est « Si ce livre pouvait me rapprocher de toi ». Donc c'est aussi une piste de lecture. Et on retrouve à côté de Pierre de Ladonchamp un comédien de théâtre génial. C'est Gabriel Arcan, le frère du réalisateur à qui l'on doit Les Invasions Barbares. Voilà, c'est mon coup de cœur ciné. Le frère Denis, merci. Ouais. Eh bien, le conseil musical de François Berléand, le voici, ça s'appelle Diving with Andy. Et le titre, c'est Sugar Sugar. Comme ça, ça fait plaisir. Bravo. On écoute. I wake up with the sunrise. Rising shine is but a lie. I down again before I even see. Seed cakes freshly. Up and I'm thinking, can you run it by no means? Means I will never ever brew ourselves 84-2. Such a precious story, boy, you'll be my foil. Hang on, hold on, wait on till I decide. With the sunrise, rise and shine is but a lie. Lie up, it is my other middle name. Name and shame me, please, please me. You take me for your new queen. Queen cakes are beyond your means. Means I will never ever. Just a teaster, you'll milk up and sit down, please. No sugar, no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream. Just a teaster, you'll milk up and sit down, please. Such no a precious sugar, no coffee, no boy, iced you'll tea, be no TV, foe. No ice cream. Just a teaster, you'll milk up on and sit down, please. Such no a precious no coffee, no boy, iced you'll tea, be my TV, foe. No ice cream. Just a c'est la programmation musicale signée François Berléand. Et merci François pour cette proposition. Diving with Andy, ça s'appelle Sugar Sugar. François Berléand est à l'affiche au Théâtre Montparnasse de moi et François B. Mais il est surtout là en train de répondre aux questions de la cascade. Des questions courtes avec des réponses courtes. François, c'est parti avec Leïla. François Berléand, la dernière bande dessinée que vous avez achetée, apparemment vous en avez beaucoup à la maison. 13. Tom Villa. Pardon. Tom Villa. Oui, François Berléand, vous avez déclaré avoir 10% de crétinerie en vous. C'est les 10% qui votaient Bérou ou les 10% qui supportent le PSG? Alors ça fait 20%. Là. Non, c'est un choix. C'est l'un ou l'autre. Bah oui, pour les deux. Les deux. 5-5. Daniel Morin. François, il y a un film en préparation qui devrait s'appeler Le Transporteur et les Choristes. C'est l'histoire d'un car qui transporte une chorale à 280 à l'heure. Vous avez été contacté pour le rôle? Oui. Bonne chance. Et ça va bien. François Berléand, une passion honteuse. Oh, non, pas... Quoi? Une passion honteuse. Faites-nous un aveu. D'une passion. Bah, si. Ah, bah oui, bah, c'est une passion. Non, bah d'accord, ok. Tom Villa, la passion honteuse. Non. Je ne sais pas, j'ai ça plus tard, parce que là, j'ai la passion. La BD, c'est. Non, non, ça, c'est pas honteux. Mais non, c'est, ça peut être honteux. Non. Par rapport. Quand, si, ah, quand on vient avec des grands, grands intellos, eh ben quelquefois, c'est honteux. Mais non, bon c'est les intellos qui sont. Et puis, on n'en parle plus. Non, il n'y a pas que ça en BD. Tom Villa. François Berléand, vous avez plus de 5000 bouteilles de vin, je crois, dans votre cave. À choisir entre un César et un Romanée Conti, vous préférez quoi? Romanée Conti. Daniel Morin. François Berléand, il y a un film en préparation qui s'appelle Le Choriste et les Transporteurs. C'est l'histoire d'un mec qui se fait retirer son permis et qui, pour passer le temps, s'inscrit dans une chorale. Vous avez été contacté? Pas pour celui-là, non. Non, pas pour non, celui-là. Mais j'aimerais bien. Au théâtre Montparnasse, on y sera à partir du 13. Moi et François B. Merci François Berléand. Courage pour la suite de la promo. Belle promo, en tout cas. Mais c'est toujours, merci, un, bon, c'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci mille fois. Voici Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Bonjour Philippe. Nagui. Bonjour la salut bande. Philippe. Salut Philippe. Philippe B. apprécie beaucoup François B. Et encore plus parce qu'il n'est pas bankable. Ah ouais, c'est ça. Je sens de l'émotion poindre. Est-ce que vous allez pleurer ou faire pipi? Les deux. Je pleure déjà. C'est vrai, il pleure. C'est vrai, il pleure. Pour le reste, je veux pas savoir. Non, c'est fait. Salutations. Bonne émission, Philippe. Merci. Salut les amis. Ciao. Nicole, sociétaire Massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans et ma forme olympique. C'est un peu grâce à la Massif depuis que j'ai souscrit Garantie Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursée sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat Garantie Santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. Sur France 3, la capitaine Marlowe fait son grand retour. J'ai cru que vous avez demandé à me voir. Pardon, j'étais en train de communier avec vos poissons rouges. Plus qu'une enquêtrice, un style. Corinne Maziro et la capitaine Marlowe, une fiction inédite, ce soir à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Deuxième journée dans le Lot. Si le jeu des 1000 euros s'installe à nouveau tout à l'heure à Figeac, nous allons de notre côté prendre des sentiers plus ruraux pour nous arrêter tout d'abord dans la capitale, la petite capitale de la truffe noire du